traîne toujours. Ton parfum bohème dans la pénombre des persiennes. Et sur la fraîcheur des tomates, le calme d'un jour d'été, l'heure languide d'une sieste, mer méditerranée. Il traîne toujours ton parfum bohème dans la pénombre des persiennes. L'air qui s'ennuie, l'eau qui se lasse de caresser les rochers. Cependant que les siècles s'effacent, mer Méditerranée, il résonne encore le tic-tac des perles tremblant le long des rideaux grêles. Zébrés des persiennes où le ciel vient se glisser, tes yeux de belle azuréenne, mer Méditerranée. Tic-tac.